France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Le vendredi, souvent, nous analysons un sujet d'actualité. Ce matin, nous nous demandons pourquoi il est si difficile de réfléchir et d'échanger à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. Situation au Moyen-Orient, plusieurs pièges pour la pensée. N'y aurait-il pas en effet dans le monceau d'horreur de cette guerre, les morts, les blessés, les assoiffés, les affamés dans la bande de Gaza sous l'effet de l'assaut israélien, faisant suite au massacre dévisu en face à face commis en Israël par le Hamas le 7 octobre, un certain nombre de pièges pour la pensée. Des pièges qui inhibent nos discussions, nos réflexions même, des pièges que nous ressentons et pourtant que nous avons des difficultés à formuler clairement. Eh bien, je vous propose d'essayer de les repérer et de les analyser en compagnie de trois penseurs, philosophes et théoriciens, informés, chercheurs, travaillant, si vous me permettez l'expression, au sein des sciences humaines en général. Bonjour Pierre Zaoui. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Cité. Vous avez de nombreux ouvrages à votre actif et le 8 décembre dernier, vous avez publié un article dans Le Monde, inquiet précisément d'une certaine hébétude de notre pensée à laquelle il faudrait quand même essayer de mettre fin. Je vous citerai un peu plus longuement dans un instant. J'accueille aussi Dominique Schnapper. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vos travaux sont nombreux et votre courage à intervenir dans le débat public est très grand depuis longtemps. Enfin, bienvenue à Nassim El-Kabli. Bonjour. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous enseignez la philosophie morale et politique à l'Université de Lille. Vous venez de soutenir une thèse sur Rousseau et les auditeurs de France Culture vous ont entendu tout l'été 2023 puisque vous proposiez dans les matins d'été une chronique quotidienne passionnante intitulée « Le vrai métier des philosophes ». France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Des pièges pour la pensée dans la situation actuelle au Moyen-Orient, il y en a sans doute beaucoup. J'en formulerai quelques-uns au titre d'hypothèse, vous me direz ce que vous en pensez, vous en proposerez aussi. Alors pour commencer, je lance la discussion avec ce piège-ci. Ne sommes-nous pas complètement submergés, inhibés, par une constante logique du 8 mai ? Le 7 octobre, 8 mai. Ce qui se passe à Gaza maintenant, 8 mai. Il y a une suspicion constante quand on parle de quelque chose, d'empathie excessive pour un camp par rapport à l'autre, ou au contraire de nivelage de l'empathie, souvent jugée tout aussi intolérable. Dire que le 7 octobre est insupportable, point. Dire que la situation à Gaza en ce moment est insupportable, point. Dire les deux choses sans faire jouer l'un pour relativiser l'autre est affreusement difficile. À cet égard, je dois dire que l'article récent dans Le Monde de Pierre Zaoui m'est apparu libérateur. Pierre Zaoui, vous écrivez ceci. Si l'on s'en tient au seul chiffre de l'armée israélienne, les brigades Al-Qassam et leurs alliés étant estimées à peu près à 30 000 hommes, s'il a fallu tuer plus de 5 000 enfants et 10 000 civils pour tuer 5 000 combattants, il faudra au minimum tuer 60 000 civils, dont 30 000 enfants, pour éradiquer les forces du Hamas, si cela a un sens. Et vous ajoutez, vouloir mettre hors d'état de nuire le Hamas et ses alliés après le massacre du 7 octobre est-il juste ? Absolument. Être prêt à le faire au prix d'au moins 60 000 civils, dont 30 000 enfants, est-il encore juste ? En aucune manière. Ce que vous dites là, Pierre Zaoui, me semble-t-il, c'est qu'à un moment, il faut penser les choses pour elles-mêmes, sans dire oui mais, et maintenant, ce qui se passe à Gaza, c'est non. Maintenant, c'est ? C'est non. C'est pas possible de supporter ce qui se passe à Gaza, même en prenant en compte, comme vous le dites très bien dans votre article, un droit de défense d'Israël. Ce que vous expliquez, c'est que là, on a relativisé tout le temps par rapport à ce qui s'est passé avant, qui était horrible, etc. Ça n'est plus possible, on n'arrive plus à réfléchir. Et vous, ce que j'entends dans votre article, c'est que non, maintenant ça suffit. Ça n'est pas tolérable. Je me trompe. Oui, absolument. C'est pas tolérable. Mais vous parlez de piège pour la pensée. Ce qui n'est pas tolérable, c'est d'abord ces images atroces, c'est les horreurs dans le réel, avant d'être pour la pensée qui empêche véritablement de penser. Je pense que les images empêchent de penser. Vous avez absolument raison sur la structure du 8 mai. qui est une structure de justification immédiate et qui permet d'absolument tout justifier. Et que de ce point de vue-là, l'établissement des faits, savoir de quoi on parle, si on parle des bombardements et de l'offensive israélienne, il faut parler que du bombardement et de l'offensive israélienne. Si on parle des attaques du 7 octobre, et on est aujourd'hui, cette logique de la suspicion, Anna Arendt l'a très bien décrite, dans la terreur révolutionnaire, on est dans cette terreur-là, il faut arrêter de... quand on est pris dans cette logique du soupçon où l'autre est toujours suspect de défendre un camp, alors que je crois que là on parle à Paris, en Europe, un peu loin du conflit, et que notre premier devoir, ma position elle est purement morale, c'est d'arrêter de faire de la géopolitique, d'arrêter de tenir simplement la position qu'on peut tenir quand on est extérieur à ce conflit, qui est une position morale et qui essaie de ramener un peu de justice pour tous les acteurs en présence. Dominique Schnapper. Oui, d'abord, je voudrais dire qu'avant d'être un piège pour la pensée, il y a eu aussi un piège politique dans lequel Israël a foncé d'une manière qui pose problème. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a écrit Pierre Zaghoui en faisant une distinction entre c'est une vieille distinction philosophique entre les guerres justes et les guerres injustes et la défense d'Israël après les événements du 7 octobre était juste. Ensuite, le piège s'étant refermé, la politique, la stratégie, enfin l'action de l'armée israélienne pose des problèmes moraux. Alors c'est important de faire cette distinction d'un point de vue moral, mais je pense que nous devons essayer d'avoir par-delà les émotions, les passions, les identifications, enfin tout ce que charrie ce problème dans des sens différents, d'essayer de faire des distinctions. Alors cette première distinction entre la justesse de la réponse de l'armée israélienne, puis l'évolution de l'action de l'armée est une première distinction importante, mais il me semble qu'il faut en introduire une série d'autres. Sur Israël, il faut rappeler que la moitié de la population israélienne était hostile, et toujours d'ailleurs hostile au gouvernement Netanyahou, et hostile à la politique qui a été menée par le gouvernement Netanyahou. Il faut aussi penser au poids du passé pour comprendre la signification que les événements du 7 octobre ont eu pour la population israélienne. C'est une distinction qui me paraît importante parce que pour Israël, c'est un problème existentiel. C'est la raison d'être même de l'histoire israélienne, enfin qui était remise en question. Et donc il faut tenir compte de ce poids. Du côté des Palestiniens, il faut faire la différence, la distinction. Ça, il me semble que le piège de la pensée, c'est de ne plus faire des distinctions. Voilà. Donc, il faut faire des distinctions. Il me semble qu'il faut faire une distinction entre la population palestinienne et son ambition légitime de constituer une entité politique. Et d'autre part, la politique du Hamas. Parce que d'après des sondages réalisés par des instituts arabes, enfin qui... la population palestinienne était dans l'ensemble hostile au Hamas, parce que le Hamas c'est un courant islamiste entretenu par le Qatar, entretenu par l'Iran, et dont la population palestinienne était la victime. Alors bien entendu, avec l'effet de la guerre et de la violence, même les Israéliens hostiles à Netanyahou ne peuvent pas ne pas être solidaires de l'armée, et la population palestinienne ne peut pas ne pas penser que le Hamas la défend. Ce point, si je puis me permettre, moi j'ai eu une grande surprise, donc là j'avoue, j'avais pas du tout anticipé ça parce que je pensais exactement comme vous. Le 7 octobre avant même la riposte, n'a pas été condamné, par exemple par le Fatah, qui est pourtant dans un rapport de rivalité avec le Hamas depuis des années. Et on n'a pas l'impression, c'est ça qui est difficile, d'avoir des voix palestiniennes, notamment sur place, clairement condamnant clairement le Hamas et rappelant cette chose évidente que vous venez de dire, c'est que le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens. Ce n'est pas les Palestiniens, c'est tout de même fondamental je crois, pour essayer d'analyser la situation. Ben, le Fatah est démonétisé auprès de la population palestinienne parce qu'il apparaît comme solidaire de l'occupation, de l'occupation israélienne, appelée. Et donc, la rue palestinienne, l'opinion publique est telle. Et la légitimité du Fatah est si faible que il était sans doute impossible pour le Fatah d'apporter à la discussion cette distinction qui me paraît quand même essentielle, parce que le piège est bien sûr sur Israël, mais il est aussi sur la population palestinienne. Et donc il faut penser, c'est malheureusement le Hamas, il faut le penser dans la perspective beaucoup plus générale, qui est celle des courants islamistes. C'est un des courants. Il me semble que c'est une distinction qu'il faut faire. Et dans la première étape, celle du moment où Pierre Zaoui disait c'était le moment de la guerre juste, c'était le moment où une armée s'est forcée de répondre à des procédés qui, on reviendra peut-être sur le terme de génocide, mais enfin des procédés qui ne sont pas de l'ordre du droit de la guerre, disons, qui sont de l'ordre de l'horreur à l'état pur comme instrument, c'est-à-dire comme faisaient les soviétiques. C'est pas parce que vous êtes coupable, c'est au contraire parce que vous êtes innocent, je vais vous tuer parce que pour la raison que vous êtes innocent et non pas coupable. Nassim El-Kabli. Alors, Dominique Schnapper vient de rappeler que le piège de la pensée, c'est de ne plus faire des distinctions. Et cela me semble vraiment très important de le rappeler et de le dire. Par ailleurs, j'ajouterais, par rapport à cette formule logique, hein, ou en tout cas qu'à l'apparence de la logique, hein, qui est celle du « oui, mais », il me semble que ce qui fait aussi problème, c'est qu'elle pose une alternative, là où la pensée ne peut pas se réduire à une alternative, à une réduction à deux branches. Et ce qui bloque la pensée ici, précisément, et en tout cas la pensée philosophique, c'est qu'il manque ce troisième terme, quelque chose qui dépasserait les antagonismes un peu faciles. Et cette idée qu'au fond, le « oui, mais », c'est une pensée... Pierre Zaoui a parlé de justification immédiate, et c'est... Préciserait peut-être même, je dirais même, une apparence de justification. Le « oui, mais » c'est l'absence de pensée, par définition. C'est la réaction immédiate qui vient créer de pseudo-effets euphémisants qui nous empêchent d'observer le réel tel qu'il est, dans sa complexité, et qui nous empêchent aussi de tenir des discours à bonne distance, puisqu'il y a l'effet de sidération qu'a produit d'abord le terrible événement tragique, le massacre du 7 octobre, qu'il nous faut penser, et qu'il nous faut penser aussi avec mesure, avec bonne distance. Et donc, j'ajouterais que, au fond, au piège de la pensée s'ajoute le piège de l'émotion. Non pas tant le piège de l'émotion en ce que on devrait se délivrer de nos passions, mais le piège de nos propres émotions, lesquelles peuvent être légitimes, mais deviennent dangereuses lorsqu'on s'enferme dans nos émotions et lorsqu'on est... Vous ne croyez pas que c'est plutôt... Moi, depuis le début, je suis gênée avec cette histoire d'émotion. Oui. Je pense que ce qui nous gêne le plus, c'est le blocage émotionnel. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons des spectateurs qui ont toutes leurs émotions d'un côté, et je suis quand même sidérée que dans ce cas-là, beaucoup, enfin vous en connaissez comme moi, n'ont d'émotion que pour un camp. J'appelle ça un blocage émotionnel pour quelque chose, face à quelque chose d'humain qui devrait normalement nous émouvoir aussi dans l'autre camp. Je suis entièrement d'accord avec vous, Géraldine Mühlmann. Le problème de l'émotion, là, en l'espèce, c'est lorsqu'on est enfermé dans sa propre émotion. Et ce qui fait défaut ici, c'est précisément de pouvoir se décentrer, d'être sensible à la souffrance de l'autre. Et c'est précisément ce qui... Il y a presque un déficit émotionnel plus grave encore que l'émotion. Ce qui pose problème, vous avez entièrement raison. Pierre Zaoui. Oui. Ce blocage émotionnel, il est propre à toutes les guerres. Je suis pas très sûr qu'en 40, les populations alliées, beaucoup pleuré aux morts allemands à Dresde ou dans les bombardements de 1944. Je suis pas très sûr que les Ukrainiens pleurent les morts russes. Enfin, il y a nécessairement, dès qu'il y a une guerre, il y a une hémiplégie du sentiment. Ce qui est très compliqué, c'est ce schéma d'identification en Occident ou dans le reste du monde par rapport au conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, pourquoi ça déclenche, et là il faudrait voir en quoi c'est une table de projection, ça déclenche autant d'identifications, c'est-à-dire pourquoi il y a autant de camps. On peut très bien être pro-israélien et pro-palestinien, c'est deux peuples absolument exceptionnels, qui ont deux destins absolument exceptionnels, qui se nourrissent l'un l'autre, qui sont peut-être même en un sens le même peuple, les Palestiniens. Après tout, si les historiens sont pas très sûrs qu'il y ait eu un exode massif au 1er siècle, c'est peut-être les descendants des juifs de la Bible. Donc il y a peut-être, les études génétiques là-dedans sont assez assez troublantes. Donc il y a quelque chose qui peut être extrêmement sensibilisant. Donc le problème de cette hémiplégie ne se pose qu'en Occident. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui parle. Moi, qu'un Palestinien ne condamne pas les attaques du 7 octobre, je comprends absolument. Ah bon ? Ça me pose beaucoup d'ailleurs, plus... Moi, je parle pas seulement d'ailleurs... Vous avez raison, peut-être que les camps en présence, c'est trop difficile de leur demander beaucoup de choses. En revanche, à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, il y a des blocages émotionnels stupéfiant, enfin quand même, je veux dire, moi vous voyez, on a beaucoup dit, certains n'emploient pas le mot terrorisme, on va en discuter des mots, de tous les mots, etc. Moi ce qui m'a surtout frappé, c'est l'absence des mots de certaines personnes face à ce massacre, mais inversement, je vous le dis franchement, je suis sidérée, on arrive à 20 000 morts à Gaza d'après à peu près toutes les sources, il y a pas mal de gens qui n'en parlent pas, quoi, alors qu'ils parlent encore beaucoup, et je peux le comprendre, du 7 octobre. Il y a quelque chose d'un peu sidérant. Le seul problème, c'est pour ça que tout à l'heure, j'essayais de me situer sur le terrain de la justice, c'est que on risque de rentrer dans des formes de psychologie des foules, c'est obligé, si vous parlez de blocage émotionnel, qui concerne après chaque pays. Je pense que c'est une table de projection, le conflit israélo-palestinien. En France, beaucoup de choses, beaucoup d'impensés inconscientes, la guerre d'Algérie se rejoue, les guerres indiennes se rejouent aux États-Unis, c'est très très fort, il y a un basculement là-dessus, dans des images qui ont été aussi assumées et portées. Si l'Afrique du Sud est en pointe dans la dénonciation des offensives israéliennes, c'est aussi que quelque chose du passé colonial et d'apartheid de l'Afrique du Sud se rejoue là-dedans. Chaque pays projette aussi ses propres formes d'identification, ce qui fait que là on est au chemin de la philosophie. Le sens quand même de la philosophie, c'est de revenir aux sentiments de justice. Alors je vais profiter de votre intervention là pour introduire un autre problème que vous venez de soulever, qui est le paradigme colonial. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. On a l'impression que la prégnance du paradigme colonial, qu'on soit totalement pour ou totalement contre, brouille en ce moment la pensée et fonctionne comme un piège. Soit on est totalement dans ce paradigme colonial et en fait ça ne va pas du tout. Vous venez d'ailleurs de le dire, Pierre Zaoui, historiquement l'histoire d'Israël n'est pas réductible à un processus de colonisation. Je vous laisse d'ailleurs l'expliquer les uns et les autres, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Et puis si on pense que si, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que ça veut dire que le colonisateur, il faut l'abolir, donc ça veut dire qu'il faut abolir Israël, quoi. Et soit on est totalement contre ce paradigme colonial, mais il arrive que certains qui sont totalement contre rejettent le paradigme, mais avec des conséquences très problématiques. Déni du fait qu'il y a quand même des velléités colonisatrices dans des franges de la société israélienne. Il y a des colons israéliens, il y a de la colonisation aussi. Et puis déni de tout phénomène de domination affectant les Palestiniens. C'est pas parce que c'est pas du colonialisme qu'il n'y a pas de la domination, qu'il n'y a pas de la souffrance. Gaza, c'est une bande de territoire qui n'est pas du tout normale. Les Palestiniens ne peuvent pas s'en contenter. Enfin, je veux dire, il y a d'autres problèmes. On n'arrive plus à penser à la domination si on considère que seul le paradigme colonial la pense. Donc, je suis en train de me dire ces derniers temps que ce paradigme arrange en fait toutes les positions extrêmes, mais fonctionne comme quelque chose qui empêche de penser la situation palestinienne, les souffrances et les dominations qui la caractérisent. Dominique Schnapper, qu'en pensez-vous ? Oui, je voudrais juste... Pierre Zaoui dit... il y a toujours des émotions quand il y a des guerres. C'est vrai, parce que c'est le malheur, et le malheur c'est une émotion, et le sentiment du malheur c'est une émotion. Je pense que dans ce cas-là, l'émotion est particulièrement forte pour des raisons historiques que nous connaissons tous. parce que quelle qu'ait été la position à l'égard de l'idée chez les juifs, de l'idée de créer un état juif, et comme vous savez, les premiers antisionistes c'était des juifs qui pensaient que c'était pas la solution au problème juif. Donc on peut toujours en discuter, mais bon, l'état existe et donc on. Mais pour l'état d'Israël, c'était chaque guerre est en fait existentielle. C'est-à-dire que une défaite militaire remet en question l'existence même du pays. Je veux dire, le chef syrien a pu massacrer 300 000 de son peuple, mais personne n'a remis en cause l'existence de la Syrie. Dans le cas d'Israël, il y a eu une remise en cause fondamentale, et donc ça donne une émotion particulière en fonction de l'histoire et en fonction de ce que nous avons. Et d'autre part, en face des Israéliens, créés sur le modèle, il y a un sentiment national qui créé sur le modèle d'Israël, d'une certaine façon, c'est Israël qui a créé le sentiment de l'entité nationale palestinienne et l'aspiration à créer une entité sous une forme ou sous une autre. Et donc on est en face de, on a une émotion particulière pour dans ce cas-là, parce que dans les deux cas, il y a une remise en question de l'existence elle-même. Alors les émotions, nous les avons tous. Et nous pouvons tous en témoigner. Et je pense que les philosophes comme vous pensent qu'il faut s'interroger sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est très vrai. Je pense que d'une façon plus large, il faut essayer de comprendre l'ensemble de la situation en faisant toutes les distinctions et en prenant tous les points de vue. Il est clair que d'un point de vue moral, la mort de l'un est du même ordre que la mort de l'autre, et que nous devons avoir la même reconnaissance ou la même compassion pour l'un et pour l'autre, et pour le malheur de l'un et l'autre, parce qu'il y a des malheurs des deux côtés. Et donc par-delà l'interrogation tout à fait justifiée de savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas, je pense qu'il faut essayer de faire cette distinction qui permette de comprendre un peu mieux la situation dans laquelle elle est. Alors, le problème de la colonisation que vous avez, oui, que vous avez soulevé, Géraldine, consiste à appliquer au cas Israël, au cas du Moyen-Orient, un système d'explication qui se développe dans la pensée grosso modo qu'on peut appeler wokiste, qui fait du projet colonial des Européens la variable unique qui permet de comprendre toute l'évolution du monde, pratiquement, en termes de colonisé, colonisateur. Et donc, ça, dans ce cas-là, ça applique ce qui est appliqué par les gens qui voient là l'explication du monde tel qu'il est, une compréhension nouvelle. Ça va pas en plus. C'est-à-dire, les Anglais étaient colonisateurs. Un foyer juif s'est développé là avec des arrivées, parfois avec l'accord des Anglais, mais parfois contre les Anglais. On peut pas dire c'est l'aval du colonisateur. On fait une série de distinctions, voilà, qui font que tous les États se sont créés, refusés par les voisins arabes dans la région. Une fois le colon qui était anglais disparu, donc. Ou en tout cas, c'est ce qui a été décidé par l'ONU. Donc, ça marche pas très bien. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des velléités colonisatrices chez certains Israéliens aujourd'hui. Alors, il faut là aussi distinguer entre, disons, la moitié de l'État d'Israël qui condamne ce qui se passe en Cisjordanie. Si on revient au problème de la justice soulevé tout à l'heure, ce qui se passe en Cisjordanie n'est pas juste. Il n'y a aucun doute. Hein. Non. Mais interpréter ce conflit avec toutes ses dimensions, ces dimensions historiques, ces dimensions existentielles, c'est le poids de la Shoah dans la conscience européenne et dans la conscience des Juifs. Enfin, l'ensemble de tout ça qu'on pourrait, et sur lequel on pourrait faire une nouvelle émission. Quand on prend compte de tout cela, le schéma colonisateur-colonisé explique très peu de choses. Ce qui est vrai, c'est que c'est comme ça que les pays arabes interprète la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, il faut tenir compte du fait, oui, que c'est l'interprétation qu'en donnent non seulement les pays arabes, mais la moitié de la population des pays démocratiques. Et sur le caractère, donc ça, c'est un fait, piégeant pour réfléchir de ce paradigme, qu'on l'adopte totalement ou qu'on le rejette totalement, enfin, est-ce que vous êtes sensible à ce problème, Nassim El Kabli? Alors, je commencerai déjà par dire, il me semble qu'il y a qu'en fait, de paradigme colonial, dans ce que vous avez présenté, il y a deux sens du mot colonie. Hein, dans la mesure où faire d'Israël un État colonisateur paraît historiquement infondé, puisque Israël est né d'une décision de l'ONU, alors même que, dans un deuxième temps, en revanche, faire d'Israël aujourd'hui un État colonisateur en Cisjordanie, puisqu'on évoquait la question de la région de la Cisjordanie, paraît évident, ou en tout cas il y a des effets de domination qui sont certains. Donc, plutôt que de paradigme colonial, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux sens différents qui convient de dégager. Mmh. Cette question coloniale, comme l'a très justement rappelé Dominique Schnapper, effectivement est une grille de lecture extrêmement simplificatrice, qui ne permet pas de rendre raison de la complexité du problème. Et c'est ce qui fait piège, justement, cette dimension extrêmement... Ces paramètres extrêmement compliqués. Piège, du reste, qui se conjugue, qui se complexifie encore par un piège linguistique. Puisque là, on parle de colonie. On sait très bien que le gouvernement israélien, le gouvernement de Netanyahou, parle d'implantation. Donc il y a déjà un piège linguistique aussi qui vient complexifier. C'est sans doute pas le seul piège linguistique, on en a beaucoup. Problème, assurément pas le seul, oui. Merci pour ces précisions, ces rectifications. Pierre Zaoui, qu'en pensez-vous ? Oui, je suis tout à fait d'accord sur sur les deux sens de colon, mais dans l'histoire d'Israël, il y a aussi un rapport à la colonisation. C'est-à-dire que ça y participe en partie. Et il y a ces pensées par un grand nombre, par Jabotinsky, par un certain nombre d'autres, qui pensent en termes colonial, qui prennent comme modèle colonial la colonisation de l'époque. C'est le sionisme né dans une pensée coloniale européenne. Mais Jabotinsky n'est pas la seule source du sionisme. Bien sûr, c'est pas la seule source, mais chez à peu près tous... Et je dirais heureusement. Dans le dernier livre de Shlomo Sand, de Peuple pour un État, il rappelle assez justement comment c'est une pensée qui nourrit. Le problème, c'est... Qu'est-ce que la pensée coloniale ou décoloniale apporte pour penser le conflit d'aujourd'hui ? Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce que ça apporte pour penser le conflit d'aujourd'hui ? Le problème majeur qui me pose, c'est qu'Israël, si c'est une colonie, au premier sens du terme, et en un sens, ça participe à cette colonie, là, sa grande différence, c'est que c'est une colonie sans métropole. Sans métropole, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part où retourner. Vous dites ça dans votre article, d'ailleurs. Vous dites que c'est un peu suspect d'imaginer une métropole... fantasmé. Moi, le problème que je vois dans l'histoire du paradigme colonial, c'est plutôt autre chose. C'est que si c'est quand même aujourd'hui, on considère que c'est mal la colonisation. Donc, si c'est mal, et qu'Israël est intégralement une puissance coloniale, il faut la destruction d'Israël. Et je trouve que cette conséquence est un problème, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on accuse plein de gens de vouloir en fait la destruction d'Israël, parce qu'ils appliquent strictement le paradigme colonial. Mais aussi parce qu'on confond la distinction autour duquel on tourne toutes, et qu'il faut absolument pas confondre. C'est-à-dire que le problème de cette guerre, et là, si on parle vraiment de problème en termes explicatifs, c'est pas du tout ce qui se passe à Gaza. C'est les colons de Cisjordanie. C'est ça, le cancer d'Israël, c'est le cancer qui bloque tout, ce qui est un tout espoir de tout processus de paix ou autre chose, mais le fait que maintenant ils soient près d'un million de colons, qui a rendu totalement impossible la solution à deux États, il n'y aura pas deux États, faire partir un million de colons des territoires occupés, ce ne sera pas possible. En termes de coup politique, aucun gouvernement, non, je pense que ce ne sera pas possible. Donc il faut peut-être chercher une autre solution, mais le désespoir absolu en partie des Palestiniens, il vient de là. Et donc le problème de quand on dit la colonisation, c'est ces colons de Cisjordanie. Et le problème des attaques du 7 octobre, et le problème du Hamas là où il brouille intégralement les cartes et où c'est terrible, et on est dans des mots épouvantes et des mots boomerang, c'est que je pense que depuis sa charte, elle a été légèrement amendée en 2019, mais la charte du Hamas est un projet génocidaire qui veut la destruction complète de l'État d'Israël. Et donc on est face à deux projets qui sont, l'un à mon avis qui n'est pas génocidaire, et c'est là où les mots fonctionnent en miroir. Le projet israélien, c'est un projet de purification ethnique et de conquête de la Cisjordanie. Très lent, à pas lent, c'est abominable la purification ethnique, c'est pas un génocide. Et je crois que le projet du Hamas, c'est un projet génocidaire. Et qu'on est dans ce face-à-face-là absolument monstrueux, et avec aucun espoir rationnel aujourd'hui. Il y en avait encore en 93, je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Et que je pense que, rationnellement, là, quel est l'espoir pour ces deux peuples, pour lesquels j'ai la plus haute estime, je n'en vois aucun. Donc, c'est pas de dire qu'il n'y a aucun espoir, c'est d'essayer d'en chercher un. Ah, mais si on considère que ça fait partie de la pensée. En tout cas, à part revenir à un état binational, je ne vois pas quelle peut être la solution pour ça. Et si on veut penser à un état binational, alors il faut cesser de penser en termes de colonisation. Et ils ont réussi à dépasser l'apartheid en Afrique du Sud en cessant de penser dans le paradigme colonial. Dominique Schnapper. Oui, je suis absolument d'accord avec la distinction du terme colon, colonisation, espace colonial, qui empêche, qui là est un, pour reprendre votre expression, est un piège de la pensée. Alors, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, mais il y a le souhaitable, il y a le possible. Le souhaitable, c'est évidemment deux États où chacune des deux entités peut s'exprimer, et le possible, c'est la possibilité de la négociation entre les uns et les autres. Or, là, je suis absolument ce que dit Pierre Zawi. Du côté israélien, l'occupation, moi je dirais l'occupation, pas l'implantation, mais enfin la présence, disons. Prenons un terme neutre sur lequel on peut tous se retrouver. La présence des organisations israéliennes en Cisjordanie et en conséquence la manière dont est traitée la population palestinienne fait qu'on ne voit pas comment, ils sont peut-être pas un million, mais ils sont certainement un demi-million, c'est énorme étant donné la population globale d'Israël, on voit mal comment les forcer. Moi je me souviens toujours de Zev Sternhell et d'Eli Barnavi qui disaient tous, on finira par une guerre civile et il faut que les pays étrangers nous obligent à négocier. Pour l'instant... Ils voulaient dire entre juifs et israéliens ? Oui, entre israéliens. Entre israéliens, non, parce qu'il y a cette question aussi des arabes israéliens. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans la guerre civile ? Entre juifs israéliens. Ils pensaient tous que ça finirait par une guerre civile parce qu'il y avait vraiment deux projets sionistes. L'un de créer un État juif et démocratique et socialiste en plus. Et l'autre, le projet messianique du retour sur la terre donné par Dieu au peuple juif. Et que ces deux projets aboutissait. Et d'autre côté, avec qui négocier ? On ne peut pas négocier avec une organisation terroriste soutenue par l'Iran qui veut détruire les démocraties. Donc je rejoins Pierre Zawi. Comment est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas négocier avec des terroristes. Il faudrait forcer les installations, la présence des Juifs en Cisjordanie à être revue, corrigée, et ils ne se laisseront pas faire. Et donc, à court terme, on sait bien que l'histoire est ouverte et qu'il peut avoir beaucoup de choses, mais à court terme, on ne voit pas de solution. Et plus on réfléchit à ce que pourrait être cette solution, plus on a l'impression que là, il y a un véritable piège qui n'est pas seulement le piège de la pensée, mais qui est un piège historique. Parce que je trouve que là, on peut réfléchir assez sereinement sur ce problème, et il me semble que c'est le cas en ce moment, mais le piège historique, lui, résiste à nos efforts de distinction et de compréhension de la complexité. Alors, ce que j'ai appelé les pièges de la pensée, parce que si on parle d'Israël et des Palestiniens en général, on va très loin, on le fait forcément, mais voilà, j'ai voulu recentrer cette émission sur cette question, c'est une émission qui s'appelle Avec philosophie, et on a tous du mal à réfléchir et à débattre et à échanger, me semble-t-il, sur ce qui se passe, et je voulais essayer d'identifier avec vous les raisons de ces difficultés que j'ai donc appelées en effet les pièges pour la pensée. Je suis en compagnie de Nassim El Kabli, de Dominique Schnapper et de Pierre Zawi. Nassim El Kabli, voulez-vous réagir à ce manque total d'espoir que je trouve très honnêtement Pierre Zawi a mis en avant? C'est affreux, mais peut-être que penser exige de penser cela. Alors il me semble que Pierre Zawi a effectivement poser un constat tragique, hein, celui de l'absence d'espoir aujourd'hui. Mais enfin, il n'a pas non plus complètement fermé la possibilité d'un espoir, puisqu'il y a cette idée qu'il a rappelée, voilà, il faut réfléchir à des voies possibles pour qu'une issue soit elle-même possible et réalisable, actualisable, effectivement. Alors, il me semble que si on renonce à cette idée d'espoir, il y a quelque chose d'une tragédie redoublée, d'une tragédie au carré là, qui va aggraver la situation et qui ne serait assurément pas un bénéfice pour la pensée, mais plus grave encore, qui ne serait pas un bénéfice pour l'histoire de l'humanité. Je crois que ce qui fait piège, et ce qui a très bien été rappelé aussi, c'est au fond cette idée que l'universel l'humanisme universel ne ferait plus sens. Ouais. Comme si, voilà, on était condamné à devoir être les spectateurs d'une tragédie entre deux camps qui assurément, et c'est manifeste aujourd'hui, ne peuvent pas s'entendre, leur projet étant absolument antinomique. Se disant, il me semble quand même qu'on peut justement sortir, ce serait encore rester prisonnier de ce oui mais, ou en tout cas de cette alternative. D'où nous sommes partis aujourd'hui. D'où nous sommes partis. Il me semble qu'il est nécessaire, il est souhaitable, possible et nécessaire d'ajouter une troisième voie, celle d'une voie universelle, celle d'une voie humaniste, rationnelle, mais aussi sensible, qui tienne compte des passions humaines. Et qui ne soit pas juste, comme le disait de manière tellement sensible Dominique Schnapper, soit juste l'attente terrifiée d'une guerre civile à venir entre Israéliens. Exactement, qui ne se réduise pas à cela, en tout cas il faut l'espérer. Et on pourrait, je le dis peut-être de manière naïve, mais assez forte, je crois qu'on peut universellement s'entendre sur des souffrances communes, sur une condition sensible, commune, nous le devons. Alors peut-être qu'avant de d'édifier politiquement quelque chose comme le bien commun, ce qu'on appelle le bien commun, il faudrait peut-être nous entendre sur des mots communs, MAUX, à partir desquels on pourrait, voilà, comme vous l'avez rappelé très justement Dominique Schnapper tout à l'heure, voilà, la mort d'une personne ne vaut pas celle d'un autre, ou en tout cas vaut la même chose. Et donc, entendons-nous sur ces mots communs, collectivement, et quand deux camps ne peuvent pas s'entendre, eh bien peut-être qu'une troisième voie doit s'imposer. C'est là où la question de l'intervention du droit international doit s'imposer, je crois. Oui, Pierre Zaoui. Oui, je crois que Nassim a raison. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de devoir d'empathie ou de devoir de compassion, de devoir d'émotion. Enfin, ça ne se commande pas. Et là, il faut être honnête, personne, peut-être Dieu, si jamais il existe, mais personne ne ressent la même sympathie ou la même empathie dans n'importe quel conflit du monde. Et je trouve ça normal. Et il n'y a pas à culpabiliser d'avoir plus d'empathie. C'est comme un professeur, il aime plus certains étudiants que d'autres. Mais c'est un appel à la raison simplement, qu'a fait Nassim El-Khamri, bien sûr. Pas à l'émotion seulement. Et donc, de ce point de vue-là, c'est moins l'enjeu des passions que je pense à la question de l'intérêt. Là, il faut revenir. Oui. C'est pour ça que je parle de justice. C'est que la seule position un peu ferme, c'est d'avoir une position en sympathie. Simplement en termes de justice au sens kantien, c'est-à-dire revenir à la question de l'intérêt. Est-ce qu'il est de l'intérêt des peuples en présence de continuer cette guerre, ou ça va les mener les uns et les autres, à part chez les fanatiques des deux camps, pour qui de toute façon les vies humaines n'ont pas beaucoup d'importance, mais c'est des guerres qui sont pas que des guerres destructrices, c'est aussi des guerres autodestructrices des deux côtés. Et que raisonner en termes d'intérêt, en considérant que c'est une société de démons, pour parler comme Kant, et d'arriver à penser un contrat qui ne repose que sur cet intérêt, parce qu'on est quand même entre Yahya Sinoir ou Mohamed Dev d'un côté, et Itamar Ben-Gvir ou Smotrich de l'autre, on n'est pas très loin d'avoir un conflit entre démons, le seul enjeu, c'est d'essayer autant qu'on peut, j'ai pas beaucoup d'espoir que ça marche, mais la seule position sérieuse, c'est quand même de revenir à la question de la justice et du calcul de l'intérêt de chacun. Alors, je vous propose de ne pas refaire la conférence d'Oslo, parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même quelques points chez des gens qui étaient prêts à discuter, qui ont bloqué jusqu'à la fin, le statut de Jérusalem, la question du droit au retour. On va pas le faire maintenant, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on reste à notre problème actuel. Vous avez évoqué, au fond, tous les trois, l'autodestruction de chaque camp à travers ce conflit. Vous avez évoqué, Dominique Schnapper, le risque, d'ailleurs souligné par d'autres, auparavant, d'une véritable guerre civile entre Israéliens et entre Juifs israéliens à propos de l'avenir d'Israël. Je voudrais faire remarquer, parce que moi j'essaye de lire un peu, certes en anglais, donc c'est pas tout à fait les mêmes journaux, la presse israélienne, là j'ai fini par m'abonner à Haaretz, je trouve qu'il y a une capacité à s'engueuler, mais très très au-dessus de tout ce que nous voyons en Europe et sans doute aux États-Unis. Bon, j'essaye aussi un peu de regarder par là-bas, mais je trouve ça instructif, hein, au sens où ça montre bien ce qui bloque chez nous. Et il y a une chose que je voudrais quand même qu'on parle. Quand Amira Haas, grande reporter par ailleurs, qui a vécu à dans la bande de Gaza, qui a écrit en 2001 « Boire la mer à Gaza », etc. Écrit lundi 18 décembre dans Haaretz, que c'est insupportable que les Israéliens demeurent indifférents au meurtre de milliers d'enfants à Gaza, et qu'elle explique les raisons atroces de ce qu'elle juge, elle, comme une indifférence relativement généralisée. Elle se fait évidemment traiter de gauchiste, il n'y a pas de doute, mais elle ne se fait pas traiter d'antisémite. Et là, nous touchons à un problème, je crois, qui est que l'antisémitisme, par ailleurs souvent réel dans les positions de gauche très critiques d'Israël, je ne nie pas qu'elle soit là, elle inhibe aussi la critique d'Israël qui ne veut pas être antisémite. Nous sommes bloqués par ce risque d'accusation d'antisémitisme. Et évidemment, nous le sommes bien plus que les juifs israéliens entre eux. Dominique Schnapper. Oui, je voudrais rajouter un mot à ce qu'a dit Pierre Zahoui sur le problème de l'intérêt. L'histoire est tragique, ça veut dire que tout le monde y perd, mais c'est pas une raison pour que le processus, la dynamique de la violence qui entraîne la violence, qui entraîne l'extrémisme ne se mette pas en route. Et il me semble que dans l'histoire, on pourrait dire sur la plupart des guerres que tout le monde y a été perdant. C'est-à-dire que l'histoire est beaucoup plus faite de passion que d'intérêt. Et donc, malheureusement, il n'est certainement pas de l'intérêt ni des uns ni des autres au Moyen-Orient, ni de la paix en général, ni de que on arrive à des formes extrêmes de la guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Et puis, ce que vous notez sur la violence du conflit intellectuel à l'intérieur d'Israël, je pense que c'est lié justement à cette force d'une passion existentielle, puisque c'est vrai pour les Israéliens aussi. C'est la remise en question de l'existence même d'Israël qui se joue à travers la guerre et qui fait que les positions deviennent extrêmes. Et moi, je suis très très sensible. Il me semble que c'est une des dimensions du tragique de l'histoire, que cette dynamique de la violence et de l'extrémisme qui se nourrit elle-même et qui fait que l'armée israélienne qui a commencé comme une armée voulant protéger les civils, en disant aux civils partez de là pour que ce soit vraiment la lutte contre l'installation du Hamas dans la zone de Gaza, finit maintenant par tuer indifféremment, entraîné par la logique même de la violence, de la guerre, du malheur, tout ça. Et donc, je pense que c'est la dimension tragique. Alors, pour en revenir au problème que vous avez soulevé indirectement, c'est-à-dire peut-on s'opposer soit à l'existence d'Israël, soit à la politique suivie par le gouvernement israélien, ce qui est quand même tout à fait différent, sans être accusé d'antisémitisme. Là aussi, on a beaucoup de peine à établir les distinctions, c'est-à-dire que la moitié de la population israélienne est hostile à la politique du gouvernement israélien. On peut donc être hostile à la politique du gouvernement israélien sans être accusé d'antisémitisme. Mais il est vrai, par ailleurs, que l'antisémitisme étant considéré comme mal depuis la Seconde Guerre mondiale, à travers l'antisionisme, dont je ne sais plus aujourd'hui ce qu'il veut dire, d'ailleurs, parce que autant être antisioniste avant qu'existait l'État d'Israël, on comprend très bien. Depuis qu'il existe, est-ce que ça veut simplement dire la destruction de l'État d'Israël? Dans ce cas-là, on ne peut pas être antisioniste. Enfin, je veux dire, là encore, il faut faire des distinctions. Il est vrai, donc, que par ailleurs, c'est au nom d'un antisionisme dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, mais qui est très fort dans la conscience de beaucoup de gens, se glissent des images les plus traditionnelles de l'antisémitisme traditionnel. Et ça, on le perçoit. Nassim El Kabli. Alors, avant de revenir sur ce point de l'émission, oui, je vous en prie, oui. Juste peut-être quelques mots sur les passions, hein, thème que nous avions évoqué. Il me semble que cette dimension passionnelle, et Dominique Schnapper l'a très bien rappelé, est quand même une structure de l'anthropologie et donc de l'histoire. Et j'ajouterais, et c'est pour cela qu'il me semble que on peut pas comprendre, je crois, hein, bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui sans bien prendre la mesure de ces passions et dans tout ce qu'elles ont de plus destructrice. Et doit s'ajouter aussi, je crois, une réflexion sur l'imagination, sur l'imaginaire, sur les imaginaires. Le politique ne peut pas seulement, et on le voit bien, être une affaire de la rationalité et de la raison. On voit bien que ça fait défaut ici. En cela, l'intérêt ne suffit pas, on le voit bien. L'intérêt, la raison instrumentale qui viendrait dire, voilà, balançons les bénéfices, les coûts, les dommages, et puis posons un accord. C'est vrai que c'est un ensemble de choses produit Oslo, et c'est un ensemble de choses qui détruit Oslo, si je puis dire. Je parle des accords d'Oslo, qui ont été probablement le plus grand espoir de paix de ces dernières décennies. Exactement. Si, puisque vous évoquez les accords d'Oslo, on voit bien, donc en 93, je pense aux travaux de Laetitia Bucaille, de la sociologue, qui parlait justement de processus de régression des imaginaires, suite à l'échec des accords d'Oslo qui ont donné lieu à des attentats terribles, etc. Oui. Et donc, ce processus de régression des imaginaires, bien voilà, il va falloir cette question de l'imagination et des passions, il va falloir renverser peut-être la dynamique en essayant de proposer des imaginaires Il n'y a pas de raison efficace sans imaginaire et sans émotion pour la soutenir, c'est ça que vous dites. Et en bon rousseauiste, comment vous dire? Je trouve que c'est tout à fait normal que vous disiez cela. Et avec cette idée, voilà. Je vous en remercie. Et d'ailleurs, vous faites très bien d'évoquer Rousseau, c'est Rousseau qui rappelle bien que voilà, qui vit sans imagination vit seul au milieu du genre humain, écrit Rousseau. Alors, c'était juste pour, voilà, un bref point sur cette question des passions et des passions politiques. Concernant l'inhibition que vous évoquez, moi, ce que je trouve assez terrible, c'est qu'au fond, il y a un paradoxe de l'inhibition. C'est-à-dire que ceux qui sont inhibés, celles et ceux qui sont inhibés aujourd'hui, sont précisément celles et ceux qui n'ont pas choisi de camp et ont peur. Et la parole des inhibés, la parole extrêmement violente, la parole antisémite, la parole raciste, etc., qui est véhiculée dans les réseaux sociaux, ben c'est précisément des personnes qui ne sont pas inhibées. Oui, il y a un paradoxe de l'inhibition. L'inhibition. Donc l'inhibition est celle des gens raisonnables, c'est ce que vous voulez dire. Qui n'ont exactement. Ému. Mais qu'on n'entend plus. Des deux côtés. Et qu'on n'entend plus, puisque les conditions d'écoute ne sont plus réunies. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Zaoui? Vous posiez, je crois, au départ, la question de l'antisémitisme. Oui. Qui est un problème extrêmement compliqué dans cette affaire et qu'il faut absolument aborder. Si on veut séparer les enjeux, je crois qu'il y a un enjeu de l'antisémitisme qui n'est pas le même que l'enjeu du conflit israélo-palestinien. Mmh. Et si on parle du conflit israélo-palestinien, il faudrait fermer, quand on en parle en France, que de ce point de vue-là, c'est très compliqué pour au moins trois raisons. D'abord parce qu'il y a un phénomène géologique où l'apparition de l'État d'Israël, c'est un peu un phénomène de subduction, où il y a ces deux histoires, deux rapports aux Juifs et d'antisémitisme, parce qu'il y a un antisémitisme musulman qui ne date pas d'un siècle, qui est aussi ancien, mais qui n'est pas du tout le même que l'antisémitisme européen, qui n'ont pas la même histoire et qui viennent se rentrer l'un dans l'autre avec deux histoires extrêmement douloureuses l'une et l'autre et qui font que on parle pas de la même chose et qu'un Palestinien qui dit juif, c'est le nom qu'ils ont donné depuis toujours, avant même l'apparition de l'État d'Israël. Yahoud, c'est le terme qu'on emploie pour désigner un Israélien. Donc c'est pas la même chose d'entendre un Palestinien parler ou d'entendre un Français ou un Américain parler de la question. Le second enjeu où c'est très compliqué, c'est que les deux sont vrais. C'est qu'il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme pour faire taire les gens qui est absolument insupportable. Il y a 20 ans exactement, en 2003, Hugues Jalon faisait paraître à la Découverte un collectif qui s'appelait Antisémitisme, l'intolérable chantage, avec un certain nombre d'interventions de Judith Butler, d'Étienne Balibar, où il y avait un certain nombre de choses assez vraies sur la manière dont l'antisémitisme a été pensé et employé depuis très longtemps pour faire taire les gens et pour faire taire toute critique à Israël. Mais après tout, on pourrait dire que c'est de bonne guerre, comme dans toute guerre, ça fait partie de la propagande. Ah, et de l'autre côté, je pense qu'il y a une vraie montée de l'antisémitisme. Mmh. Ah, et qu'on doit faire avec ça en France, oui. Et c'est très compliqué de penser à la fois à une montée de l'antisémitisme, notamment à gauche, qui est réelle, mmh. Et qu'en même temps, c'est insupportable de tuer, d'éteindre le débat. Donc, c'est dans cette pince-là qu'il faut arriver à penser. Et le troisième problème, c'est que c'est encore plus compliqué de, quand on a entendu au début de la guerre, ceux qui nous dirigent en France dire « Attention, il faut absolument distinguer entre les Juifs et les Israéliens. » Un, par exemple, pour empêcher l'antisémitisme, oui. Et d'importer le conflit. Bah, si on est attaché à ce conflit, ça devient très compliqué parce que, par exemple, en Israël, ceux qui veulent absolument distinguer les Juifs et les Israéliens, c'est l'extrême droite. Et qui veulent faire un État juif et pas un État israélien, parce qu'un État israélien, ça veut dire quand même un État avec aussi des Arabes israéliens et des Juifs israéliens, et donc un État plus démocratique. Et que, là, globalement, en Israël, si vous définissez israélien, comme israélien, vous êtes de gauche, si vous définissez comme juif, vous êtes de droite. Ah. Et donc, réimporter cette distinction en France, ça devient problématique, comme ça l'était pas il y a 40 ans. Je ne comprends pas, est-ce que c'est plutôt l'extrême droite là-bas qui veut que Israël soit intégralement juif, que oui, Israël est l'État absolument. Des juifs, donc, et on doit dire un l'État juif et plus pas un État israélien. Donc, le mot israélien, aucun donc, colon c'est contre l'extrême droite ne se définira comme israélien. Ils ne veulent pas penser en termes israéliens, ils sont juifs. Ils veulent donc penser la loi de... cette distinction juif-israélien, qui personnellement me paraît assez importante, c'est penser contre l'extrême droite israélienne. J'ai pas compris votre raisonnement. Parce que ça n'a pas le même sens. Si vous dites en France, je suis juif parce que je suis pas israélien et c'est les Israéliens qui bombardent, mais en Israël, ceux qui défendent absolument l'offensive et qui voudraient qu'elle soit encore plus forte et encore plus violente et qui rêvent, si vous entendez c'est les propos de certains ministres qui rêveraient de raser intégralement Gaza, c'est des gens qui ne se définissent pas du tout comme israéliens mais qui se définissent comme juifs. Mm-hmm. Israël est trop démocratique pour eux. Il me semble, oui. Dominique Schnapper, je suis désolée, on approche de la fin. Il vous reste quand même, je pense, le temps d'un développement substantiel comme vous les aimez. Je ne sais pas s'il est substantiel. À juste titre, Pierre Zaoui a distingué l'antisémitisme d'un côté et l'histoire du Moyen-Orient de l'autre. Et c'est vrai qu'il faut analytiquement faire la distinction entre ces deux séries historiques. Mais dans les faits, l'une renvoie à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme qui prend comme argument l'État d'Israël et la politique israélienne. Et il y a une utilisation... par dans la politique générale du cas israélien dans la lutte contre les démocraties. Donc cette distinction qui est tout à fait juste pour nous, qui est une manière de sortir du piège de la pensée comme oui. Comme nous le souhaitons tous et comme vous le souhaitiez ce matin, mais en même temps, il faut voir que les deux séries se renvoient l'une à l'autre. De même qu'il y a deux séries historiques, c'est-à-dire qu'il y a un conflit local d'un côté et un conflit mondial de l'autre, qui est le mouvement islamiste, qui réutilise, réinstrumentalise un conflit local qui remonte à plus d'un siècle. De même, il y a à la fois cette poussée de l'antisémitisme dans laquelle, moi, je vois l'expression d'un affaiblissement de l'idée démocratique ou de l'idée républicaine, comme vous voulez, qui est le seul contrôle qu'on peut apporter à ces passions héritées de siècles d'antisémitisme. Et donc, on a ce développement de l'antisémitisme comme un des indicateurs de la crise démocratique. Et on a, d'autre part, le problème historique qui se passe au Moyen-Orient. Et il y a le renvoi de l'un à l'autre et le fait que, là aussi, l'extrémisme nourrit l'extrémisme. Vous voulez ajouter quelque chose, Nassim El Kabli ? Il nous reste très très peu de temps, mais peut-être une conclusion. Moi, j'avoue là ce qu'a dit Pierre Zaoui sur le fait qu'à la fois il y a de l'antisémitisme qui monte, et notamment à gauche, et il y a aussi et en même temps un chantage à l'antisémitisme. Enfin, je trouve qu'il a vraiment explicité un piège terrible de la pensée. Quoi. C'est très très difficile de réfléchir dans un contexte pareil. C'est effectivement un piège terrible et tragique duquel on ne pourra sortir une fois encore que par une certaine confiance quand même pour contrebalancer par rapport à ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur le manque d'espoir. Il me semble une confiance qui passera par une confiance en la raison humaine et une confiance encore aussi, je crois, en la possibilité d'éduquer à la sensibilité. on a une confiance en la culture qui nous permet aussi de voilà de nous décentrer, de sortir de nos propres affects et de notre propre histoire. Et si on ne croit plus en la culture, si on ne croit plus en l'exercice de la pensée et en l'exercice du partage, alors c'est effectivement désespérant. C'est bien que les jeunes terminent sur l'espoir. Merci. Merci à tous les trois. Pierre Zaoui, dont j'ai évoqué l'article que vous avez fait paraître dans Le Monde début décembre, qui est tout à fait inspirant, et je dois dire qu'il était le point de départ de cette émission. Merci Dominique Schnapper, merci Nassim El Kabli. Par ailleurs, les références de vos travaux personnels sont sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle de l'avant et de l'après. Voici le pourquoi du comment. Comment préparer l'après ? Lorsque nous vivons une catastrophe, notamment historique et politique, l'un des effets immédiats qu'elle produit sur nos esprits, ça n'est pas seulement la nostalgie de l'avant, c'est le fait de découper un avant et un après, mais ça n'est pas seulement de nous replonger dans la nostalgie de l'avant, l'avant que nous ne savions pas heureux, mais qu'une guerre, par exemple, ou un crime nous révèle comme ayant été protégés, merveilleusement heureux, face par contraste avec le malheur qui s'est abattu sur les uns ou sur les unes, sur les uns ou sur les autres. Et ce n'est pas seulement cette nostalgie de l'avant, ce n'est pas seulement cette blessure présente, c'est aussi un rapport à l'avenir profondément transformé. Alors évidemment, on dit dans les philosophies déjà très profondes, par exemple de Charles Peguy, de Kierkegaard, de quelques autres, on dit que voilà, l'événement distingue l'avant et l'après. Il y a l'avant et l'après l'irruption du Christ sur la scène du monde, pour Kierkegaard comme pour Peguy. Il y a l'avant et l'après de Socrate. Mais qu'en est-il des événements si graves qu'ils semblent fermer la perspective d'un après, ou qu'ils semblent être si urgents qu'ils nous obligent à nous concentrer sur la lutte présente ? Pendant la résistance en France de la Seconde Guerre mondiale, il fallait d'abord lutter contre l'ennemi, contre la dictature, contre le crime, et il fallait évidemment d'abord résister. Mais justement, le Conseil national de la résistance, en pleine résistance, commençait déjà, comme on dit, à préparer l'après. Préparer l'après, ce n'est pas seulement, au fond, considérer que l'événement construit son propre après. Peut-être pour un événement heureux, mais pour un événement catastrophique, justement, ne restons pas dans l'après défini par le nazisme ou par les attentats terroristes ou par les crimes de guerre. Il va falloir, au fond, plutôt dessiner un après qui permette de rétablir au moins quelque chose de ce qui a été détruit, de ce qui a disparu. Et parfois, la représentation de cet après devient presque impossible. Dans un événement comme ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël et en Palestine depuis le 7 octobre, et dans les actes qui ont suivi, notamment sur la ville de Gaza, on peut se demander si un après est encore possible. Y a-t-il encore un après et même un dialogue possible, un après commun, quand des deux côtés, ce qui s'est passé avant semble avoir été irrémédiablement perdu, quand le dialogue sur l'après semble lui-même impossible. Comment préparer l'après ? C'est évidemment en retrouvant justement ce qui a été brisé, en repartant de ce qui est brisé, en construisant les conditions pour qu'un dialogue, au moins qu'une pensée commune de ce qui pourrait venir après, soit possible. La question de préparer l'après dès maintenant, ce n'est pas seulement une question défensive, une question de prévention, d'éviter que cela se reproduise. C'est désormais une véritable urgence politique, d'un côté comme de l'autre, comme pour le Conseil national de la résistance en France, qui prévoyait non seulement de vaincre l'ennemi, mais de rétablir la République, de rétablir la démocratie, de rétablir aussi un lien, une unité de la société française. Comment préparer l'après des guerres qui déchirent le monde aujourd'hui ? C'est une question qui se pose à nous dès maintenant. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Élise Leu. Et merci au reste de l'équipe d'Avec Philosophie aussi. Carla Michel, Marine Boudalier, Anna Fulpin, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Équipe qui vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.